Donc voilà, donc pour commencer sur l'enquête précarité, ça concerne uniquement la science politique là-dessus, donc les cours codés en 0,4, mais la démarche donc, qui fonde un intérêt beaucoup plus large et aussi dans les suites qu'on j'espère on pourra lui donner, pour avoir une base plus pluridisciplinaire aussi. Donc pour reprendre cette démarche, il y a quand même un double intérêt stratégique sur d'abord en tant que travail politique vis-à-vis de la tutelle, pour produire des chiffres qui peuvent être rapidement éloquents et sortir de l'activité de gestion des affaires courantes dans laquelle on peut très vite être cantonné, et pour ancrer des revendications vers une transformation structurelle donc des conditions de travail dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc en second lieu, pour essayer de s'articuler aussi aux mobilisations qui émergent et qui se structurent au niveau local comme au niveau national, comme nos camarades auront l'occasion de le développer. Donc simplement pour les conditions de réalisation de l'enquête, l'objectif était d'établir un ratio entre le nombre d'heures totales assurées en sciences politiques et le nombre d'heures effectuées par des titulaires dans la discipline. Alors même que les données en fait nécessaires à cette évaluation ne sont pas du tout l'objet de statistiques nationales, donc il y a évidemment des bilans sociaux, mais des universités dans lesquelles déjà l'information est souvent hétérogène et assez peu lisible, et surtout dans lesquelles les effectifs vacataires n'apparaissent pas, pour le dire simplement. Et du coup, l'enquête repose sur une initiative de l'ANSMSP qui est d'assez longue date, 7 ans pour... On essaie un peu de fouiller dans les archives, et cette démarche s'était heurtée pendant très longtemps en fait à la fois à l'ambition un peu forte que s'était donnée l'association à ce niveau-là, avec beaucoup de paramètres et de variables, et aussi face aux forces qui ont été réellement mobilisables là-dessus, face aux réticences des composantes à donner ces informations à des non-titulaires. Je me permets juste de te couper pour que vous ne pensiez pas qu'on perd complètement la boule et qu'on vous projette un document et qu'on vous en donne un autre qui ne fait pas apparaître le même chiffre. Mais en fait, on va s'expliquer là-dessus. Les 100 postes qu'on revendique, c'est les postes... Enfin, là, pour ceux qui... Donc, les 100 postes, c'est uniquement les postes qui concernent les vacataires. Et les 154 postes, si on ajoute les postes des ATER, équivalent temps plein, voilà, même si notre revendication porte plutôt sur les 100 postes et qui concernent que les vacataires, puisque notre idée est absolument pas de remettre en cause l'existence des postes d'ATER. Voilà, enfin, c'est juste pour ça qu'il y a un décalage. Je vais l'expliciter un petit peu. Donc, dans le partenariat qui a été créé là au printemps dernier, on a pu obtenir ces chiffres, donc assez rapidement, compte tenu des difficultés que nous on avait rencontrées, puisqu'en 15 jours, on a eu 28, enfin les données pour 28 établissements, donc 25 étaient complètement exploitables. Donc établissements parce que ça comprend les universités et les IEP aussi. Et ça nous a permis d'établir un taux d'encadrement titulaire, donc la proportion du volume horaire total heure équivalent TD dans le cours codé en 0,4, assuré par les titulaires, et inversement aussi un taux de sous-encadrement du coup, et aussi de faire apparaître du coup les heures enseignées par les vacataires, ce qui était aussi l'enjeu pour nous. Donc pour présenter les résultats finalement qu'on a déjà un peu détaillés, l'enquête a permis de mettre en évidence des taux d'encadrement très variables, notamment entre IEP et université, et surtout de mettre en évidence un très fort déséquilibre entre le nombre de titulaires en poste et le volume horaire à assurer au total. Un déséquilibre qui se traduit, on le sait tous du coup, par un recours massif aux vacations, et donc les emplois les moins rémunérateurs, avec souvent, appuyés souvent sur du travail dissimulé. Donc ces résultats révèlent la nécessité de créer des emplois titulaires, donc un besoin que nos trois organisations se sont accordées pour évaluer à 100 postes, qui en fait correspondent ces 100 postes au déficit cumulé en titulaire moins les postes d'ATER. Les 154, c'est le total, enfin le déficit cumulé de postes titulaires, et donc si on enlève le nombre de postes titulaires, le nombre de postes ATER temps plein, on arrive à 100. Donc pour donner quelques chiffres à retenir rapidement sans rentrer dans le détail méthodologique de l'enquête, Il y a donc, sans revenir plus, puisque vous avez un visuel qui parlera de ça mieux que moi, 346 vacataires qui représentent 57% des enseignants, et 21% du volume horaire total assuré. Et donc il y a 7 établissements sur les 25 qui ont un taux d'encadrement inférieur à 50%. Et parmi ces établissements, un quart des heures sont enseignées par des vacataires. Donc les données permettent de faire apparaître un déficit de postes titulaires qui peut aller de 0 à 16, et au total, du coup, 154 postes si on additionne le nombre d'ATERS temps plein. L'enquête permet aussi de faire apparaître le ratio ATER titulaire qui peut parfois être très problématique, puisque pour citer un cas, il y a un établissement où il y a 12 ATER à mi-temps pour 13 titulaires. Et ensuite, pour donner un exemple un peu sur les chiffres du volume horaire assuré par des vacations, on dépasse 1000 heures dans plusieurs établissements. Et pour donner deux exemples, il y a dans le cas A, 2314 heures équivalent TD qui sont assurées par 52 vacataires, et dans un autre cas, on a 1908 heures équivalent TD qui sont assurées par 30 vacataires, quand il y a 17 titulaires et 5 ATER à mi-temps et 6 contrats doctoraux. Donc pour conclure là-dessus, il est évidemment souhaitable d'essayer de mieux discriminer entre les vacations, parce que du coup là c'est un peu agrégé entre les doctorants non financés, les docteurs sans poste, les vacations professionnelles aussi, et les enseignants-chercheurs en poste qui donnent des cours dans plusieurs universités. Dans les deux catégories que je viens de citer, on ne peut évidemment pas parler de précaires, donc il faudrait évidemment préciser ce genre de chiffres, mais ça n'a pas d'incidence sur le constat principal, qui est un recours conséquent aux vacations, qui ne peuvent avoir lieu qu'au prix d'une sérieuse détérioration, comme on a pu aussi l'évoquer, sur les conditions de production de la connaissance et d'enseignement. Donc, sur la base de ces résultats, il apparaît indispensable d'exiger la publicisation dans les bilans sociaux de ces données de manière harmonisée pour que ce soit lisible et clair, et à défaut de s'atteler nous-mêmes, titulaires et précaires, à cette tâche, en espérant que le poids de la participation d'université finisse par peser sur les universités les plus récalcitrantes là-dessus. En soulignant évidemment que la collecte de ces données n'est pas une finalité en soi et que c'est un pas vers une étape vers la reconnaissance et l'amélioration des conditions de travail dans l'enseignement supérieur. Oui, non, d'autant qu'en faisant ça, en fait, la NCMSP se transforme un tout petit peu en prestataire de service et qu'on fait le travail que le ministère devrait réellement faire, donc d'essayer à la fois de mobiliser et de pouvoir effectivement obtenir de nouveaux chiffres, mais aussi surtout de faire en sorte que la tutelle s'en empare pour que l'on n'ait pas à reproduire ce travail tous les ans, ce qui deviendrait un peu, ce qui deviendrait colossal. Et puis en préparant le séminaire, on a un peu en fait, ça nous a amené à réfléchir au positionnement en fait, de la NCMSP, à notre positionnement au sein de l'association. Et c'est vrai, à se rendre compte en discutant entre nous avant de venir ici, à tout le travail de petite main qui était accompli, mais peut-être au détriment, et c'est ce qu'on regrette le plus, parce que ce bénévolat, quelque part, on s'y est engagé, donc je crois que tous on assume, on n'a pas envie de se faire particulièrement plaindre, mais par contre ça se fait au détriment d'une action véritablement politique, d'action aussi un peu plus lobbyiste, qui permettrait de faire un peu exister les causes et pas simplement de faire en fait un travail administratif. Juste une minute, une question. Sur cette réticence, je pense que vous avez fait un travail formidable qui, pour contraindre et l'autorité de tutelle et les établissements eux-mêmes de produire sur une base normale des chiffres, et c'est un poids politique énorme, je trouve. Je voulais vous poser la question, il y a des établissements qui figurent sur la droite, c'est une sorte de palmarès. Est-ce que ce sont les taux de vacataires, par exemple, sur l'ensemble des heures, ou bien les nombres absolus de personnes? que représente ce... C'est sur l'ensemble des... C'est le nombre de personnels enseignants vacataires par établissement. On l'a fermé d'une manière un peu discrète, vous voyez, à droite. Effectivement, l'idée était exactement ça, dans une approche un peu schizophrène, à la fois attirer plus l'attention, mais pas le mettre en avant, c'est au premier plan en même temps, parce qu'on trouve une tendance, bien sûr, qui est transversale, même que différents établissements sont touchés à différents degrés. Mais souvent aussi, quand ça demande une explication supplémentaire, vous trouvez des logiques locales importantes qui expliquent certaines structurations qui feraient à un moment, vous avez un établissement qui est surencadré, mais l'explication n'est pas nécessairement une politique menée par l'établissement avec qui veut réduire son nombre de vacataires. Et dans un autre établissement, vous avez un grand nombre de vacataires, ce qui ne veut pas forcément, mais quelquefois, dire que l'établissement n'a pas fait son devoir. Il veut assurer un encadrement. Donc ce sont des nombres de personnes. Effectivement, c'est le nombre des enseignants. Ça me donne peut-être l'occasion du coup de passer la parole au collectif. Alors je ne sais pas quel est le dernier mot qui a été choisi. Les travailleurs et travailleuses précaires de l'ESR, c'est ça. Je ne sais pas comment vous voulez intervenir. Je vois pas, on voit très bien Paris. Ouais, ça doit être discret. C'est une grosse université. Une grosse université. Une grosse université. Je commence, alors pour ne pas perdre de temps, moi je m'appelle Raphaël Chalier, je suis doctorant en sociologie politique à Paris 8 et donc j'interviens pour le collectif des travailleurs précaires de Paris 8. Et je vais revenir, je crois, de l'ESR, membre du collectif national des travailleurs de l'ESR. Et donc je vais me permettre de reprendre un texte qu'on a coécrit à plusieurs à Paris 8 suite à la mobilisation, et qui s'appelle « Petite et grande victoire » ou « Comment mobiliser les travailleurs précaires de l'ESR ». En gros, il s'agit à la fois d'un état des lieux de notre milieu et des difficultés à le mobiliser, et un bilan stratégique. Que faire pour mobiliser un milieu qui ne se mobilise pas ? Je précise juste que ce texte a été écrit d'un point de vue particulier, celui très majoritairement de chercheurs et d'enseignants précaires de l'ESR, mais parce que ça correspondait à la réalité sociologique de notre base sociale, mais... ce qu'on pointe pourrait concerner bien d'autres situations des précaires non enseignants ou non chercheurs de l'ESR. Alors, au niveau des difficultés pour se mobiliser, la première difficulté qu'on a relevée, et c'est tout simplement les difficultés matérielles, et le fait que la condition de chercheur précaire nous met dans cette sorte de paradoxe que le collègue appelait la schizophrénie, d'être à la fois très dominant sur certains plans, très doté en contre scolaire, et pourtant extrêmement atomisé. Pour reprendre la métaphore, les doctorants, c'est comme les paysans parcellaires, c'est comme les patates dans un sac de pommes de terre, c'est impossible, vu leurs conditions concrètes d'existence, de les mettre ensemble. Pourquoi ? Parce qu'il y a des situations de difficultés matérielles, parfois dramatiques, il y a l'injonction à la valorisation, le vécu permanent du stress et des échéances, et autour de tout ça, la découverte des logiques de concurrence et le désenchantement qui peuvent en résulter. Autant de facteurs qui vont faire de nos mobilisations, et on l'a bien vu avec l'expérience de plusieurs collectifs par le passé, des mobilisations précaires de la recherche, des mobilisations trop souvent précaires. Et face à ça, on peut s'auto-congratuler, puisque le week-end dernier, pour la première fois, se tenait une coordination nationale des précaires de l'ESR, des travailleurs précaires de l'ESR, qui regroupait au moins une vingtaine de collectifs, et donc il y a une amorce de dynamique nationale. Deuxième aspect qui rend complexe nos mobilisations et qui découle pour partie de la précédente. On est face à des situations très éclatées. Qui dit éclatement des situations dit aussi éclatement des échelles de responsabilité. Qui fabrique la précarité dans l'ESR ? Les présidences qui équilibrent les budgets en privant les enseignants non titulaires de conditions décentes, quitte à faire fi du code du travail, les labos qui laisse docteurs et post-docs sans attache institutionnelle, alors que tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est une étape indispensable et nécessaire, enfin indispensable, qu'il n'y a pas trop le choix de la contourner, ou encore certains titulaires, heureusement loin d'être représentatifs, qui ne prennent pas en compte ces réalités et alourdissent notre charge de travail. On pense bien entendu à la question du travail gratuit non légitime, par effet de « tu vas corriger mes copies », pour prendre un exemple un peu choc. Alors, notre précarité se construit à tous ces échelons de matières entremêlées, et parfois à contre-cœur, parce qu'il faut bien gérer la pénurie. En ce sens, on a mis en place deux logiques d'action. L'idée qu'au niveau local, il faudrait faire monter les coûts de la précarité. Pour le dire trivialement, on a l'impression que très souvent, les gestionnaires relaient la logique de précarisation parce que ça permet d'économiser, tout simplement. Donc, le but, c'est de faire monter les coûts. L'idée, c'est qu'il faut mettre en place différentes actions qui seront désagréables pour les gestionnaires et qui équilibreront les coûts. Deuxième échelle d'intervention, l'échelle nationale, puisqu'on ne se trompe pas d'ennemi prioritaire, on a bien conscience que derrière notre précarité, il y a une politique délibérée de l'ANR et du ministère qui s'inscrivent dans un projet d'austérité où délibérément ils assèchent les recrutements publics tout en dilapidant des millions pour le crédit impôt recherche, dont les résultats en termes d'excellence se font pourtant attendre depuis pas mal de temps. Enfin, ce qui fait tenir un système basé sur la précarité, ce n'est évidemment pas l'adhésion de la majorité des précaires, la conviction que tout est pour le mieux dans la meilleure université du monde. C'est tout simplement la résignation à l'existant, la sagesse des dominés. Face à ce constat, quelque chose qui nous paraît très important au sein de ce mouvement, c'est le fait qu'il ne faut pas culpabiliser nos collègues précaires. Ce n'est pas la faute de nos collègues s'ils ne se mobilisent pas. C'est à nous de créer les conditions pour se mobiliser ensemble et pour rendre durable ce mouvement, alors que les conditions sont difficiles. Et la première solution pour rendre durable un mouvement de précaires, un mouvement de personnes fragiles de par le statut, c'est tout simplement de partir de l'idée qu'il n'y a pas de mauvaise victoire. On est parti dans l'idée, clairement, en tout cas à Paris 8, et c'est le cas de beaucoup d'autres universités, j'ai l'impression, qu'il faudrait accumuler des petites victoires, y compris des choses aussi triviales, je ne vais pas vous faire la liste détaillée, mais ça commence tout simplement par l'obtention d'un contrat de travail. Je parle notamment des vacataires, en temps et en heure. Le contrat de travail qui est la condition pour se faire reconnaître comme ayant travaillé, et ainsi de suite. Le petit droit qui en conditionne bien d'autres. D'autres exemples de ces revendications. On pourrait revenir très longtemps sur les revendications nécessaires et parfois imparfaites. La mensualisation des prix, toujours pour les vacataires. Pour tous, le paiement des heures de charge de cours au même tarif pour les non-titulaires et pour les titulaires, et ainsi de suite, et y compris des revendications qui pourraient nous sembler imparfaites, comme par exemple l'accès des doctorants au RSA, ou l'accès des doctorants et doctorantes au chômage pour ceux qui travaillent dans d'autres secteurs que le SR, ce qui théoriquement, d'un point de vue juridique, ne donne pas droit au chômage, car il y a une zone grise avec le statut d'étudiant. Autant de petites victoires qui, peu à peu, nous permettent de gagner en force collective. C'est déjà ce qu'on a pu constater localement et ce qu'ont pu constater beaucoup d'autres collègues, et qui progressivement, en tout cas on l'espère, vont permettre de remettre sur l'agenda des solutions durables, la première de ces solutions durables étant tout simplement l'idée qu'il faut augmenter très massivement les postes de titulaires dans le SR. Et sachant qu'une fois que nous serons nombreux, que nous serons organisés, ces revendications ne passeront plus pour lunaires ou pour fantaisistes, mais elles apparaîtront pour ce qu'elles sont, raisonnables et nécessaires, portant en elles-mêmes la possibilité de transformer l'ESR. Tout ça pour dire que les précaires de l'ESR, nous ne laisserons plus faire. Merci. Moi, je vais revenir sur la mobilisation qui a eu lieu à Paris 1, qui a toujours lieu, même si on a eu des victoires récentes, comme vous avez pu le voir. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais revenir sur un petit peu ce qui a permis que ça fonctionne chez nous, un petit peu l'originalité de notre mouvement. Donc c'est un mouvement qui a commencé, juste faire un mini historique, sur le fait qu'en juillet, la présidence de l'époque avait décidé d'arrêter l'exonération des frais d'inscription pour les doctorants contractuels et à terre, à un moment où personne ne s'en est aperçu et contre des avis intérieurs. Et donc à la rentrée, les gens sont arrivés, ont dû payer leurs frais d'inscription alors qu'ils ne le faisaient pas avant, et donc ça a amené aux premières AG de doctorants. Et très vite, en fait, les gens ont parlé simplement et la liste des revendications s'est élargie. Tout de suite avec la mensualisation des vacataires, comme tu l'as dit, le retour à l'exonération pour les contrats doctoraux, les alternes, mais aussi les vacataires qui sont des travailleurs de l'université, et élargir l'accès pour ceux qui sont sur les critères sociaux ou le remboursement des frais de transport. Donc ça a donné une pétition que vous avez peut-être signée en décembre, qui a été portée devant le président de l'université, qui finalement est tout à fait méprisant avec la délégation de doctorants qu'il a eu en face de lui. Mais on a tenu bon, et notamment, en fait, on a pris à partir de mars, je pense aussi aidé par le mouvement social contre la loi El Khomri, on a décidé des moyens d'action un peu plus radicaux, notamment la constitution de listes pour les conseils centraux de l'université, parce que là, il y allait avoir une nouvelle présidence qui allait être élue. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'en tant que doctorant, par exemple, contractuel à terre, et vacataire qu'on fait plus de 64 heures, on peut être inscrit sur les collèges B des maîtres de conf. Et donc là, on s'est dit qu'il y avait une opportunité pour montrer qu'on était un petit peu visible. Donc ça, en fait, on l'a décidé, et en 10 jours, on a monté les listes, fait des programmes, trouvé des gens pour faire les choses. On s'est inscrit, parce qu'il faut s'inscrire volontairement sur la liste pour pouvoir voter, sinon on ne peut pas le faire. Remplir tout un tas de... Ouais, l'administration nous simplifie pas la tâche, comme vous en doutez. On a aussi décidé à ce moment-là de faire une rétention des notes le moment venu. Voilà, et donc c'était vraiment une première, ça n'a jamais été fait, des listes de doctorants dans les conseils centraux de l'université, et en plus sur les collèges de maîtres de conférence, ça, c'était très inédit, et en plus en un temps record. En fait, ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a assez bien gagné, en fait, à ces élections. On a eu ce qui voulait dire qu'il y avait des maîtres de conférence qui avaient voté pour nous, pour les listes de doctorants, donc on a eu des sièges dans les conseils centraux, un siège au conseil d'administration, un siège à la CFVU et 5 sièges à la commission de la recherche, donc ce qui est bien. Et à partir de là, en fait, il y a eu des tractations, c'était assez intéressant de se rendre compte de ça. Donc il y a eu des mails des deux candidats à la présidence pour essayer d'avoir notre vote et donc de promettre tout un tas de trucs. Nous, on s'est dit, on va jouer à ça à fond. Et en plus, on va faire une rétention des notes pour mettre une bonne pression sur ces négociations. Donc la rétention des notes, on l'a commencé le 6 mai, et en fait, donc le président a été élu, ça a continué, etc. Mais nous, on a continué à retenir les notes jusqu'à le dernier CA qui a eu lieu mardi, où ils ont fini par voter un certain nombre de nos revendications. Je laisse Auréane dans 2 secondes de le dire, ce qu'on a gagné. Mais juste pour ce qui a marché, ce qui a été bien, ce qui a, je pense, aidé un peu notre mouvement, c'était que quand même il y a un certain nombre de doctorants à Paris qui donnent des cours. Alors on sait que c'est pas le cas dans d'autres universités, donc ça nous a permis d'avoir un certain accès à des UFR, d'avoir un petit noyau de gens quand même qui se connaissent, et surtout d'avoir des notes à retenir, parce que ça c'est... En fait on s'est rendu compte que c'était vraiment à partir du moment où on retenait les notes que bah, là ça cristallisait toutes les tensions, et forcément ça... Tout de suite on nous écoutait un petit peu plus, alors que tout ce qu'on avait fait depuis 7 mois, c'était quand même... ça passait à la trappe très régulièrement. Donc voilà, ça a bien marché, et puis quand même on a des compétences en tant que... doctorants, des compétences professionnelles de rédaction, d'organisation, de travail collectif. On a aussi dans notre groupe pas mal de militants et surtout des syndiqués à Sud, qui a une section qui s'est montée à Paris 1 il y a 3 ans. Et donc là, il y a énormément de compétences militantes qui ont été à tout groupe, et c'est les gens qui ont porté énormément cette mobilisation. Voilà, et je m'arrête là-dessus parce que je ne veux pas prendre trop de temps, parce que tu veux encore faire tout, et juste ensuite. Ouais, je vais parler juste après, oui, sur les résultats, et juste me permets de rebondir 2 minutes en disant qu'en effet cette mobilisation, et peut-être ça incitera des collègues à travailler là-dessus, moi c'est pas du tout, enfin c'est pas notre crèmerie d'analyse des mobilisations, etc., mais je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, il faudrait qu'on pense à accumuler d'ailleurs un peu d'informations précises là-dessus. Je voulais simplement préciser qu'en fait c'était quand même des doctorants de 8 disciplines sur 10 à Paris 1 qui se sont mobilisés ensemble dès le début, donc ça faisait quand même aussi, ça donnait une force au mouvement, parce qu'on avait une couverture, pour le dire rapidement, il n'y a que l'économie et la gestion en gros qui ne sont pas entrés dans le mouvement, même si on a eu quelques informations comme quoi la situation n'était pas rose chez eux non plus. Mais voilà, donc 8 disciplines. C'était très important comme ressource, on a eu des juristes avec nous qui nous ont vraiment aidés aussi. Les juristes ont été présents du début jusqu'à la fin, et donc comme tu le disais, une particularité de cette mobilisation, c'était les profils extrêmement divers, évidemment entre les syndiqués, les non-syndiqués, les gens qui n'avaient pas d'expérience du tout de mobilisation, de militantisme, mais qui ont apporté tout un tas de compétences. Juste pour donner un exemple encore plus précis, on avait par exemple 2 personnes qui ont fait des infographies absolument magnifiques pendant tout le mouvement, ça nous a beaucoup aidé quand même aussi à visibiliser ce qu'on faisait, nos revendications. Donc voilà, il y a eu en fait une accumulation de choses, une motivation aussi, un espace de parole vraiment qui s'est libéré aussi dans nos AG, sachant que, voilà, pour donner encore des chiffres, Au total, il faudrait qu'on fasse le point. Je pense qu'à la grande époque, au moment où la liste de diffusion mail était la plus large, il y a dû à peu près au total avoir une centaine de doctorants différents qui sont passés à un moment ou à un autre en AG. Évidemment, le noyau qu'a porté la mobilisation, c'est 30-40 doctorants qui ont été là du début jusqu'à la fin. Mais voilà, c'était quand même non négligeable, encore une fois, par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude quand il y a des tentatives de mobilisation. Et donc, je pense que ça a aussi beaucoup aidé dans cette mobilisation. Donc, pour ce qui a été obtenu lors des deux derniers CA, dans un contexte particulier, là aussi, on n'a pas le temps de développer, mais ça serait intéressant de voir aussi comment le renouvellement de la présidence de Paris 1 a évidemment été un moment clé qui a un peu fait basculer aussi la donne pour nous, et qu'on a essayé vraiment de jouer sur tous les tableaux, aussi bien la reconstruction du rapport de force, la rétention des notes, que rentrer dans le jeu institutionnel des élections, et aussi quand même, il ne faut pas l'oublier, on a eu malgré tout un peu de soutien, pas autant qu'on aurait attendu de la part des titulaires, mais il y a quand même une signature d'une motion de soutien à l'initiative, d'ailleurs en partie au départ de certains titulaires, certaines titulaires. Et donc voilà, c'est aussi la construction d'un rapport de force. On a fait beaucoup de travail, aussi bien au niveau central vis-à-vis de la présidence, au niveau de chaque UFR en fait. On s'y est mis un peu tardivement d'ailleurs, mais dans chaque UFR, chacun a vraiment porté au niveau des ED, des laboratoires aussi. Il y a eu un énorme travail. Là, les dernières semaines, je pense qu'on était, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de doctorants à faire des réunions tous les jours. Il y avait des réunions avec les directions d'UFR, les directions d'ED, le collège des écoles doctorales, etc. Donc il y a aussi eu un énorme travail souterrain en fait pour en permanence porter les revendications, les remettre sur la table. Donc pour pas être trop longue, sur ce qui a été obtenu, du coup, et qui a pu peut-être sembler à certains être limité, je vais juste expliquer un tout petit peu en quoi ça nous a semblé suffisant, enfin en quoi ça a semblé suffisant à l'AG pour lever la rétention des notes. Le premier point, c'est que je le disais, dans le contexte d'une présidence qui a changé, nous avons obtenu l'institutionnalisation d'un groupe de travail autour d'un vice-président du CA qui est vraiment dédié à la précarité, à la résorption de la précarité à Paris 1, qui va travailler sur la mise en œuvre des mesures qui ont été votées, notamment en lien en plus avec un observatoire de la précarité qui là en fait vient de se créer aussi il y a quelques semaines, qui est issu de l'AG des personnels de Paris 1. Donc comme je disais, on est aussi dans un contexte de mobilisation plus large contre la loi El Khomri. Les étudiants de Paris 1, ça vous en avez entendu près dans la presse, étaient très mobilisés. Et donc en parallèle, il y a aussi eu un début de mobilisation des personnels de Paris 1, auxquels les doctorants évidemment se sont joints et ont participé, mais qui là rassemblaient des personnels bien au-delà des doctorants. Et donc de cet AG des personnels a notamment émergé un observatoire de la précarité à Paris 1, qui a aussi pour vocation, et a commencé à faire un peu le même travail que celui de la NCMSP, qui est d'aller chercher les données là où on ne les a pas, notamment dans les bilans sociaux, c'est quelque chose qu'on réclame depuis un moment maintenant, d'avoir en effet les chiffres, les informations sur les vacataires, qui sont refusés depuis longtemps. Et donc cet observatoire de la précarité voilà, commence aussi à construire les informations. Donc tout ça pour dire que ça nous semblait suffisamment prometteur, en tout cas, cette institutionnalisation d'un dispositif à la fois institutionnel, donc malgré tout, après le mépris, la porte qui nous était plaquée au nez depuis plus d'un an par la présidence précédente, là au moins il y a de la discussion, on a créé quelque chose. Alors bien sûr, charge à nous de vérifier derrière que ça va déboucher et que des choses vont sortir de là et on va pouvoir en publiciser notamment des données, mais aussi appliquer très concrètement les mesures. Donc premier volet, voilà, cette institutionnalisation de groupe de travail qui va avoir pour charge de mettre en œuvre donc, ce qui a été obtenu par le vote du CA, c'est la mensualisation du paiement des vacataires, alors attention, des doctorants vacataires, au sens de l'article 3 du décret qui régit les vacataires. On a été obligé de cadrer énormément, évidemment, au départ, on demandait la mensualisation automatique immédiate pour tout le monde, parce qu'a priori, il n'y a pas de raison de distinguer, même les professionnels vacataires ont bien le droit quand même d'être payés rapidement, même si évidemment, pour une partie d'entre eux, les enjeux ne sont pas les mêmes en termes financiers et en termes de survie. Donc on a, après négociation, discussion, accepté de restreindre la mensualisation pour le moment et à l'horizon 2017 impératif sur les plus précarisés d'entre les vacataires, c'est-à-dire les doctorants, sachant qu'aussi il y a quelques situations à la marge qu'on a identifiées qui seront portées individuellement, enfin les dossiers vont être portés par le groupe de travail, par les syndicats, etc. Donc mensualisation et la première étape, pourquoi 2017 parce qu'en fait là d'ici la rentrée 2016 c'est juste impraticable, enfin, et pour le coup on a vraiment travaillé sur les dossiers nous-mêmes, comme je l'ai dit il y avait des juristes au sein de la mobilisation, etc. En fait il faut mettre en place un système informatique. Pour information, parce que l'information a très peu circulé, l'université de Caen a mensualisé tous ses vacataires depuis 2013 suite à une mobilisation. Malheureusement, il y a eu assez peu de communication là-dessus. On a eu nous-mêmes un peu de temps à obtenir l'information. Donc, ils savent comment faire. Il y a un système en place avec un système informatique. C'est possible, c'est légal, etc. Donc, c'est ce qu'on va mettre en place à Paris 1, on l'espère. En tout cas, on va pousser les services centraux, la DRH, pour que ce soit mis en place pour 2017. Et la première étape, je ne vous apprends rien pour 2016, c'est déjà que les vacataires aient tous signé leur contrat avant de commencer leur mission, donc septembre ou plus tard, parce que c'est ça qui bloque le fait, de toute façon, derrière la mensualisation, si les contrats ne sont pas encore payés, il n'y a pas de mise en paiement possible. Donc, obtenir des contrats signés en septembre et mettre en place un dispositif d'avance sur salaire pour les vacataires les plus précarisés. Donc, il va falloir prioriser les dossiers, mais voilà, c'est ce qui est en place, en tout cas, ce qui se prépare à Paris 1 pour la rentrée 2016. Donc ça, c'était le deuxième point, la mensualisation. Troisième point, exonération des droits d'inscription pour les doctorants vacataires. Amélie l'a signalé, donc c'est le quatrième point, j'allais le mettre à la fin. On a obtenu le rétablissement de l'existant, donc l'exonération des droits qui existaient pour les contractuels et les ATERS, c'était bien le minimum du minimum. Mais notre revendication forte depuis le début, c'était aussi d'élargir cette exonération au minimum aux vacataires, considérant qu'ils font aussi partie à part entière des équipes enseignantes et qu'il n'y a pas de raison qu'ils payent leur employeur pour en plus derrière recevoir une rémunération plus que limitée. Quand vous êtes payé comme un vacataire, débourser 400 euros en début d'année, c'est extrêmement dur. Ça n'est pas forcément, c'est pas forcément simple pour les dominataires, par exemple, mais pour les vacataires, c'est encore plus compliqué. Donc, ce principe de l'exonération a été voté. Évidemment, on aurait voulu que ce soit acté immédiatement. Et donc, sous réserve, encore une fois, du travail qui doit être fait sur l'indication des vacataires, le décompte, parce que le CA, en plus, nouvellement élu, était très frileux de prendre... de voter quelque chose sans avoir les chiffres précis du nombre de vacataires que ça a concerné, et bien entendu que ça concerne déjà que les doctorants, il faut, pour être exonéré des droits, il faut être concerné, il faut être doctorant. Enfin bref, on a fait nous-mêmes, on a tenté un audit interne en 3 jours, en allant téléphoner aux directions du FR, en se comptabilisant nous-mêmes sur les listes mail, etc. On approchait d'un chiffre d'une estimation entre 150-200 vacataires doctorants qui auraient besoin d'exonération, donc quand même peanuts à l'échelle du budget parisien, même si on y marque la rigueur, le problème des points budgétaires, etc. Enfin bref, donc cette exonération, en tout cas, elle est dans les tuyaux, on va tout faire pour qu'elle soit enfin actée pour de bon dès qu'on a des chiffres à mettre sur la table. Et là, évidemment, la balle, elle est dans le camp de l'administration, c'est à eux de prendre leurs données. Et on sait que les chiffres existent, hein, une balade depuis une éternité, mais évidemment, ils sont quand même obligés d'avoir des lignes budgétaires, enfin, ils ouvrent les crédits pour les vacataires, donc ils savent très bien. Même si au niveau du budget, c'est pas clair parce qu'ils ne comptabilisent pas correctement, ils ne font pas la distinction justement entre les différents statuts de vacataires chargés d'enseignement et vacataires agents temporaires, des doctorants et des retraités. Bref, il y a du travail et évidemment l'accès aux données à faire. Et donc la quatrième, je l'ai déjà dit, c'était le rétablissement de l'exonération pour les contractuels et les ATERS. Du coup, comme je pense que j'ai déjà parlé trop longtemps, est-ce que j'ai juste 2 minutes? Je voulais juste aborder un point un peu particulier qui en fait est lié. Je me suis présentée au début, je m'appelle Auriane Tercery, je suis doctorante donc à Paris 1 en sciences politiques, et il se trouve que ma thèse porte sur la politique de lutte contre le travail illégal. Donc le travail illégal, c'est un ensemble d'infractions qui concernent avant tout le secteur privé, mais cette mobilisation, le fait de participer à cette mobilisation, en fait, m'a fait rentrer en résonance énormément de choses. Évidemment, on se rend compte que même si dans les qualifications, et évidemment le public n'est pas concerné par le code du travail, donc officiellement il n'y a pas de travail illégal possible à l'université ou dans le secteur public, mais on se rend compte qu'en fait tout un tas de dispositifs, ça a été évoqué brièvement avec le cas des auto-entrepreneurs notamment, en fait correspondent assez directement à ce qu'on appelle du travail illégal dans le secteur privé, mais qui dans le public, évidemment, est tout à fait permis et autorisé. Et du coup, pour le dire très vite, évidemment, je ne vais pas faire toute la démonstration, donc ça va peut-être avoir l'air un petit peu tiré par les cheveux, tel que je le dis, mais moi, ce qui me préoccupe particulièrement, ce qui m'intéresse dans ma thèse, c'est à quel point la majeure partie, l'enjeu central des infractions de travail illégal dans le secteur privé, évidemment, l'enjeu premier, c'est d'éviter de payer les prélèvements obligatoires, cotisations sociales, des impôts, etc. Mais l'enjeu central, saillant, qu'il y a derrière ça, en fait, c'est un contournement de la relation salariale. L'enjeu central, il est là, c'est comment les employeurs s'affranchissent des obligations, des responsabilités liées à leur statut d'employeur. Et donc, notamment, toutes les questions de faux statuts, recours à des faux auto-entrepreneurs, toute la fausse sous-traitance aussi, qui permet de substituer un contrat commercial. En fait, vous avez l'apparence que vous n'êtes plus employeur, vous avez un contrat commercial avec une boîte qui vous fournit une prestation. Et en fait, la boîte, elle ne vous fournit que de la main-d'œuvre, sans respecter pour autant les règles d'intérim. Et donc, c'est de la fausse sous-traitance qui permet pour l'ancien employeur de s'affranchir des obligations et des responsabilités liées à l'emploi de salariés. Donc, c'est tout ce qu'on appelle communément l'externalisation de la main-d'œuvre, etc. Bref, tout ça pour dire que moi, ce qui me frappe énormément par rapport à ce que j'ai vu cette année à l'université, c'est que il me semble qu'il y a aussi un phénomène important en fait, de contournement de tout ce qui est les statuts, tout ce qui sont les statuts stables et pérennes, donc le statut de salarié en CDI dans le privé et dans le public. Ce qu'on est en train de détricoter, c'est le statut de la fonction publique. D'un côté, il y a des attaques directes sur le statut, évidemment, avec la modulation, etc. Je n'y reviens pas. Mais il y a aussi, à mon avis, et c'est beaucoup plus préoccupant, un détricotage en règle par la bande du statut de fonctionnaire, qui est l'augmentation en fait, du recours à ces types de contrats, que ce soit pour les personnels BIAT, chez lesquels il y a de plus en plus de contractuels en CDD à répétition. Il y a aussi des mobilisations, on connaît la problématique. Depuis la loi Sauvadet, protocole Tron, etc. Mais évidemment, du côté des chargés d'enseignement et de recherche, on trouve exactement la même chose, et donc je rejoins tout à fait l'analyse de dire que c'est pas juste de la précarisation individuelle, un sas temporaire d'accès à la carrière, aussi bien pour les personnels administratifs qui seraient en attente de cédulisation puis de titularisation, que même chose pour les jeunes docteurs, les doctorants, les jeunes docteurs qui seraient dans ce sas, voilà. Ah oui, petite parenthèse, ça serait intéressant aussi qu'on fasse une analyse des mails, des réactions qu'on a eues, que ce soit en AG, etc., de la part de titulaires. Je compte plus le nombre de fois où on est venu nous voir en nous tapant un peu sur l'épaule, bon, on est désolé pour vous, mais enfin, vous savez, moi aussi, j'ai galéré à l'époque, moi aussi, j'ai eu des prête-noms, moi aussi, j'ai fait des vacations, etc. Donc, évidemment, ces situations, elles ne sont pas nouvelles. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que le contexte, par contre, il a quand même bien changé, c'est-à-dire que pour nos générations, les perspectives d'insertion dans la carrière, je ne veux pas être pessimiste, mais elles sont quand même quasi nulles pour la grande majorité d'entre nous. Et je pense que c'est là aussi où les coutures commencent à craquer, et c'est pour ça qu'il y a aussi des mobilisations qui commencent vraiment à prendre, et que les gens n'ont même plus peur en fait, d'être en AG, de dire oui, je suis mobilisée, d'aller demander à leur directeur de l'EFR la signature du papier pour pouvoir aller voter dans le collège des maîtres de conférences, sachant que la seule liste qui se présente, c'est celle des docteurs mobilisés, mais si vous demandez votre transfert, c'est que vous voulez voter pour les docteurs mobilisés. S'il se passe des choses comme ça, c'est que je pense aussi que le niveau en fait, de compréhension et d'analyse chez les doctorants, les jeunes docteurs, est en train aussi voilà, de franchir un point, de se dire finalement qu'est-ce qu'on a encore à perdre de se mobiliser ou pas, vu à quel point en fait, la situation se dégrade vitesse grand V. Et donc, pour terminer, je voulais juste prendre deux exemples, on en a déjà parlé, mais le cas des vacataires et des auto-entrepreneurs, encore une fois, il n'est pas à la marge, c'est pas juste un cas de plus, de contrats un peu précaires qu'on les multiplie. Comme je l'ai dit, dans le privé, ça correspondrait à du travail illégal. En fait, les vacataires rapportent un statut hyper dérogatoire, ça n'existe même pas en fait, dans le secteur privé, dans le code du travail, puisque quand vous êtes vacataire, ça ne vous ouvre pas droit à des cotisations, d'ailleurs, je sais pas, enfin, pardon, aux droits sociaux, justement là-dessus, parce que j'étais en train de penser que malgré tout, les vacataires cotisent. J'ai analysé des fiches de paye et les cotisations, elles sont prélevées, mais ça n'ouvre aucun droit aux allocations chômage, à la retraite, etc., parce que ça serait vraiment trop beau. Donc c'est quand même des contrats qui ne sont d'ailleurs même pas officiellement des contrats de travail, on parle souvent de contrats de travail à tort, mais ce ne sont pas des contrats de travail. Et donc, pour parler des auto-entrepreneurs aussi, évidemment, dans le secteur privé, il y a de plus en plus de contournement de ce statut, au point même que les inspecteurs du travail, les agents d'URSSAF se demandent même s'il n'a pas d'une certaine manière été créé pour permettre de contourner justement la relation salariale. Et donc, pourquoi contournement? Parce que pareil, ça permet de s'affranchir d'une relation employeur-salarié. Et donc, pour l'université aussi, avoir recours à des auto-entrepreneurs, des vacataires sous statut d'auto-entrepreneur, c'est un moyen de même plus avoir de contractuels en fait. Et c'est un moyen d'avoir des espèces de prestataires extérieurs qui n'en sont pas, puisqu'ils prennent les plannings qu'on leur donne, ils remplissent, ils font l'évaluation comme on leur demande de la faire, etc. Et donc, simplement pour conclure là-dessus, je suis consciente d'avoir un propos qui est semi-militant et semi-pas scientifique, parce qu'en fait, il faudrait creuser, enfin, il faut apporter des chiffres plus précis que j'ai par ailleurs, mais on ne va pas non plus développer là-dessus. Simplement pour dire qu'encore une fois, je pense que c'est salutaire, en fait, d'aller regarder, de faire la comparaison privé-public. Évidemment, il y a un contexte qui m'invite, mais encore une fois, nulle part dans le secteur privé, en fait, on ne verrait d'employeurs qui pourraient se permettre de ne pas savoir exactement, de ne pas être capable de dire en tout cas combien d'employés il a, sur quel statut précisément ou pas. On verrait aucun employeur qui peut se permettre de ne pas payer en fait ses employés, salariés, enfin qui n'en sont pas, de ne pas les payer à temps. Ça, c'est les prud'hommes directs, le tribunal de mon instance d'ailleurs, je crois. On ne verrait pas d'employeur qui peut se permettre de commencer à faire travailler des gens avant d'avoir signé le contrat, d'avoir mis en place les procédures. Évidemment, il y a énormément de fraudes, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moyens derrière. Il y a quand même l'inspection du travail fait ce qu'elle peut. Mais on sait que ça n'est pas permis, alors qu'à l'université, il y a une espèce de refus peut-être de voir. Je sais pas, enfin, il faudra analyser ça plus loin. Mais il y a une espèce de cécité collective qui fait qu'encore une fois, on s'accommode voilà, de cette gestion de la pénurie, des difficultés, et qu'on bricole à la marge comme on peut. Il y a une espèce de solidarité lâche voilà, qui, des fois, dépanne un peu. On essaye de dépanner sur le plus urgent, le plus saillant, mais il ne faut vraiment pas perdre de vue que, encore une fois, je pense, et les chiffres étaient éloquents, les dernières références, tout le monde a vu tourner, j'imagine, la pétition de l'équipe, c'est le département sciences de l'éducation de Saint-Étienne, qui, pareil, en termes de taux de couverture par les titulaires, s'illustre, puisqu'ils ont 4 enseignants, 4,5 enseignants titulaires, j'imagine, c'est des ETP, par rapport à 600 étudiants, avec, à côté d'eux, 40 vacataires, 2 ATER, 2 CDD d'un non renouvelable. Enfin, voilà, et donc, on voit, enfin, encore une fois, je pense qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur le fait qu'on est littéralement en train de détricoter le statut de la fonction publique, et que la thèse de l'université, ça passe aussi par ça. Et qu'à terme, pourquoi est-ce qu'on garderait une minorité d'hyper privilégiés fonctionnaires, alors qu'à côté, on aura déjà des armées d'employés de tout statut qui font bien le travail comme il faut, donc pourquoi s'embêter à garder un statut aussi protecteur. Je m'appelle Michel Bernard, je suis professeur à Paris 3 en littérature française. Vous avez évoqué, je voudrais revenir là-dessus à la fin, le fait que vous aviez un discours à la fois militant et scientifique. Et je crois que c'était le propre d'ailleurs de tous les intervenants d'aujourd'hui. Et le terme de précaire se retrouve un peu coincé entre ces deux discours, je trouve. C'est-à-dire c'est un terme très commode pour les luttes, et il est utilisé comme tel. Il est un peu plus difficile à justifier du point de vue scientifique, et en particulier, il donne lieu à des analyses qui sont, sinon problématiques, pas du moins qui devraient être problématisées. Je prends l'exemple des doctorants, je crois que c'est le plus clair. À partir de quand on peut considérer qu'un doctorant est précaire ? Généralement, ça va être à partir du moment où justement il a un emploi qui lui permet de financer son doctorat, c'est-à-dire qu'il est à terre, qu'il a un contrat doctoral. Si on le considère comme précaire dès qu'il s'inscrit en doctorat, alors à ce moment-là, il faut revenir à une notion plus large, c'est-à-dire que tout étudiant devient précaire. Et effectivement, c'est pour ça qu'il y a des revendications de salaire d'autonomie étudiante, parce qu'un étudiant, on peut considérer, on l'a considéré longtemps, qu'il ne travaille pas pour lui personnellement, mais qu'il contribue à créer les cadres dont le pays a besoin. Et donc, il est normal que, d'abord, que ses études soient financées de manière nationale, mais également peut-être que ses moyens de subsistance le soient également. Donc, cette notion de précariat, par exemple, chez les doctorants, est un peu compliquée. Elle est compliquée à d'autres degrés également, c'est-à-dire qu'il y a cette opposition qui peut tourner au conflit parfois entre les titulaires et les précaires. Je donne un exemple. Si on a toutes ces règles vis-à-vis des vacataires, c'est-à-dire ne pas travailler plus de 100 heures, etc., ça vient d'un conflit qui a eu lieu au milieu des années 80 et au cours duquel les plus anciens s'en souviennent sans doute. Et au cours duquel il y a eu une grande vague de titularisation des précaires de l'époque qui a traumatisé en quelque sorte les universités, parce que ces précaires ont pu faire valoir à l'époque que tous leurs revenus venaient de l'université et donc que l'université devait les titulariser. Ça a bloqué toutes les créations de postes pendant plusieurs années et il y a eu une sorte d'opposition entre les titulaires et les précaires. Il y a eu la même chose dans le secondaire avec la titularisation des maîtres. Enfin, c'est récurrent ce genre de questions. Il y a d'autres oppositions qui se manifestent. Vous évoquiez les luttes étudiantes tout à l'heure. Certaines luttes étudiantes ont augmenté la précarisation d'une certaine manière. Je prends l'exemple de la revendication de l'UNEF qui a été satisfaite il y a 3 ou 4 ans sur l'augmentation à 1500 heures du volume d'enseignement au niveau licence. Mécaniquement, vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que mécaniquement, si on augmente le nombre d'heures à budget constant, ça va augmenter le nombre de précaires et de vacataires dans l'enseignement. Donc il y a parfois des oppositions de ce genre-là qui ne facilitent pas la prise en compte. Alors, vous avez à plusieurs reprises évoqué les moyens d'action, hein, parce que c'est important aussi de ne pas simplement se désespérer de la situation. Je crois qu'on a toujours intérêt à considérer qu'il n'y a pas des catégories, mais que l'université est précarisée actuellement. Et c'est ce qu'il y a de plus efficace, à mon avis, pour créer du consensus, de la convergence. Vous évoquez, par exemple, en passant, la question de la modulation de service, mais on pourrait évoquer un certain nombre d'aspects comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, l'université est précarisée de manière globale, et en la pensant de cette manière, effectivement, les convergences sont peut-être plus faciles à construire que d'opposer ou de compartimenter au moins titulaire, non titulaire, et cette notion de précaire qui, effectivement, est parfois un peu difficile à cerner. En quatre points. Premier point, ce qu'on aurait dû rappeler, c'est qu'on avait des revendications plus larges qu'on continue à porter. Des trucs hyper concrets sur les bureaux, les moyens de travail. On n'a même pas de lieu de travail à Paris 1 dans la plupart des disciplines. On corrige des copies de nos étudiants à côté d'eux, à la bibliothèque, enfin, des trucs sympas comme ça. Donc évidemment, nos revendications, c'est aussi qu'il faut plus de postes, de vrais postes, de la terre, de contractuels pour les doctorants. On ne se contente pas juste, évidemment, c'est toujours le problème qu'on n'arrive pas à trancher. Est-ce qu'on gère la misère? Est-ce qu'en demandant juste la mensualisation des vacataires, on n'est quand même pas un peu en deçà de ce qu'il faudrait exiger? Évidemment, là, après, c'est des décisions qui se prennent au niveau de l'université complète. D'où ma réponse aussi au dernier point sur l'opposition titulaire, précaire, etc. Je pense qu'il ne faut pas prendre les titulaires non plus en bloc. Qu'il y a une énorme différence entre, par exemple, une partie des maîtres de conférences qui subissent des choses un peu similaires à ce que nous on subit. Là, on l'a vu avec le mouvement de rétention des notes, parce que dans certaines disciplines, là où les corrections de copies étaient bloquées, voire refusées par certains doctorants qui étaient sur la porte de sortie, qui du coup ont pris des positions un peu radicales de dire bah, « dans ce cas-là, en fait, moi, je vais juste simplement pas corriger les copies ». Et ce sont les maîtres de conférences ou les maîtresses de conférences qui n'étaient pas en position de dire non, qui se sont retrouvés avec la surcharge de travail que nous, on avait retoqué en faisant la rétention des notes ou en refusant de corriger les copies. Donc il faut prendre ça en compte. Pour la petite anecdote, le service de la paye de Paris 1 s'est un peu emmêlé les pinceaux en janvier cette année. Il a envoyé souvent à certaines personnes deux fiches de paye. Il se trouve que certains doctorants ont reçu, contractuels ou à terre, ont reçu des fiches de paye intéressantes. Par exemple, une camarade a reçu la fiche de paye d'un professeur de l'université. Vous allez peut-être deviner tout seul la discipline où ça peut être, mais qui touchait en décembre 7 000 €. Avec des primes très intéressantes, voilà. Donc ça en dit long aussi pas sur la littérature française. La précarisation de l'université, peut-être qu'on n'est quand même pas tous précarisés au même rythme pour l'instant, et que c'est pour ça aussi que ça tient sur l'Institut de Saint-Rémy, c'est que si tout le monde était vraiment dans la panade et si on souffrait tous au même degré, peut-être qu'on changerait les choses un peu plus rapidement. Bref, deuxième autre point par rapport au terme de précaire, et la question de tous les étudiants sont précaires dans ce cas-là, etc. En fait, voilà, deux points et après j'en ai fini. Ce qu'on a tenu à distinguer dans notre mouvement aussi, et c'est pas juste pour dire « Ah là là, il y a les étudiants en licence master, puis il y a les doctorants avec un grand D », une des revendications qui a été centrale dès le début de la mobilisation, et c'était quelque chose, même moi je m'y attendais pas en fait, à ce qu'on adopte aussi facilement et que tout le monde en fait se reconnaisse dans ces revendications, c'est ce qui est aussi un signe, je pense, de changement, c'est la revendication de dire l'ensemble des doctorants et des doctorantes de l'université sont des travailleurs, y compris ceux qui ne font que de la recherche, qui ne font que leur thèse, qui n'ont pas de charge d'enseignement. Parce que les laboratoires, s'ils sont évalués, ça a été dit tout à l'heure, c'est aussi parce que les doctorants organisent des colloques, participent, font les petites mains derrière, publient les articles. Et donc ça a été un des axes centraux de nos revendications cette année du mouvement, de dire nous sommes toutes et tous des travailleurs de l'université, et c'est pour ça qu'au terme aussi, à terme, une des revendications qu'on porte, c'est l'exonération des droits d'inscription pour l'ensemble des doctorants et des doctorantes, et pas seulement ce saucissonnage, comme je disais, on fait avec l'existant, et en même temps il faut aussi viser un horizon un peu plus large. Donc encore une fois, on a essayé de refuser justement en permanence de déconstruire toute l'année ce discours qui fait qu'on rabat toujours au rang d'étudiants d'une certaine manière, pas parce que ça serait pas bien d'être étudiant, etc. Encore une fois, c'est pas pour cracher sur les étudiants, mais parce que c'est une manière de nier justement notre statut de travailleur à l'université et de nier plus facilement tous les droits auxquels on devrait, les droits minimaux auxquels on devrait avoir accès en tant que travailleur. Et donc pour finir, simplement, la question aussi de la précarité, dans ce cas-là, est-ce que tout doctorant est précaire? Bah, d'une certaine manière, je pense qu'on en est tous aussi et tout arrivé au constat que oui, tout doctorant est précaire, parce que ça n'arrive quasiment jamais maintenant en SHS de trouver des doctorants qui sont financés sur leurs 5 ou 6 ans de thèse. Évidemment, il y a une poignée d'hyper privilégiés, mais sinon, on n'est jamais financé en permanence, et c'est aussi le changement des statuts permanents qui est précarisant. Dès que vous changez de statut, il faut faire de la paperasse, il y a des choses, si vous passez par une année de chômage après votre contrat doctoral, avant de reprendre un poste, il faut faire des campagnes chaque année, et en permanence vous êtes éventuellement en difficulté vis-à-vis de la sécurité sociale si vous devez changer de régime, vis-à-vis de Pôle emploi, etc. Donc c'est ça aussi la précarité des doctorants et des doctorantes, et c'est pour ça que maintenant je pense, et c'est aussi un changement parce qu'il y a encore quelques années, et je termine là-dessus, c'était très dur en fait de faire entendre à des doctorants et des doctorantes la revendication que oui, on est des précaires, tout le monde, personne avait envie de se coller un peu ce stigmate de précaire, alors que maintenant en fait il y a même une discussion là-dessus des doctorants et des doctorantes. Chez les mobilisés, évidemment, ça va plus vite, mais ils reconnaissent plus facilement que, objectivement, les conditions sont pas. Il nous reste 10 minutes hein, avant qu'on se fasse mettre dehors. Bon, d'abord, vous nous avez annoncé de très bonnes nouvelles et c'est passé souvent. Merci. Un mot sur le statut de doctorant, puis un mot sur un point que vous aviez soulevé tout à l'heure, monsieur. Sur le statut de doctorant, il y a une difficulté objective, je crois, qui tient au fait que tous les doctorants n'ont pas aujourd'hui ce qu'on appelle désormais un contrat doctoral. Je ne comprends pas si c'est un contrat d'ailleurs, bref, c'est une autre discussion. Donc, là, il y a une difficulté parce qu'il y a une pression forte d'un certain nombre d'autorités universitaires et dans cette discipline tout particulièrement pour qu'on n'inscrive plus que des doctorants financés. Là, il y a une contradiction qui nous concerne tous. À la fois, bien entendu, j'imagine que la bataille centrale, c'est d'avoir plus de contrats doctoraux. Je crois qu'il ne faudrait pas faire l'économie d'une discussion sur les modalités d'attribution, parce que désormais, elles sont d'une opacité épouvantable. Et tout le monde y perd, et vous, et nous, c'est les titulaires. Bien sûr, il y a cette revendication, mais il ne faut pas tomber dans le piège de se faire un jour fermer les inscriptions pour les en sciences humaines et sociales. Je pense qu'il faut... Enfin, c'est peut-être pas votre point de vue, mais en tout cas, c'est celui que je voudrais mettre en discussion. Il faut encore mieux pouvoir s'inscrire et tenter la chance d'un doctorat, même si c'est très difficile quand on n'a pas le contrat, que de se voir fermer la porte. Donc ça, c'était un point. Un autre point, un point soulevé par vous, et puis en même temps, c'est une surprise par rapport à l'état actuel de la plateforme revendicative qui est précaire. Il se trouve que je suis le premier des, ce qu'on appelait ça d'ailleurs, statut. Le premier des hors-statuts avoir été attiré au CNRS dans le cadre du plan dont vous soulignez les fâcheuses conséquences. Alors, ça a été une période très très différente qui a permis de résorber, pas pour tout le monde, pas pour absolument tout le monde, mais de résorber pour en gros une dizaine de milliers de personnes de toutes catégories, une situation de contrat successif. Et qui a, en gros, asséché, pour un temps assez long, la situation dont vous êtes aujourd'hui les victimes, dans un contexte qui était fort différent, et qui a, en tout cas, une des clés de la situation, a été de faire verser des sommes absolument gigantesques, des ministères qui finançaient la recherche, vers le CNRS. Si on faisait la même chose avec l'argent de l'ANR aujourd'hui, l'argent de toutes ces ex inutiles et catastrophique, il y aurait largement de quoi, je pense, intégrer, je dis bien intégrer, les précaires en poste, enfin les précaires, en situation de précarité. Et je suis étonné que cette revendication-là n'apparaisse pas. Je vois déjà des collègues qui la critiquent de façon anticipée en disant « on ne va pas figer la situation de la recherche telle qu'elle a été, créée justement par l'ANR que nous critiquons, mon œil, on ne fige rien quand on fait ça ». On crée de la liberté et des statuts normaux pour des milliers de gens et qui se mettent ensuite à créer, comme ils l'entendent, dans des situations complètement différentes. Et il est parfaitement normal que le plan d'intégration en question se soit assorti de mesures qui interdisaient en effet de reproduire des volets de vacataires pour dans les années qui vont suivre. Et c'était une situation, je crois, qui était plutôt difficile. Donc ma question, j'arrête. Ma question, c'est au fond, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, cette revendication, disons, de l'intégration, le travail que vous avez fait vous donne des droits. Ces droits sont vérifiés par des commissions scientifiques, vous n'en faites pas, c'est pas un problème, et ça ne sera pas automatique, mais quand même, il y aura des droits qui auront été. Pourquoi, comment ça se fait que ça ne vienne pas, cette revendication-là? Je ne comprends pas très bien. 30 secondes, si vous y arrivez. Je vais vous donner un petit élément de réponse. Elle est clairement, c'est la première des revendications. Ça rejoint la construction, enfin, création massive de postes pérennes en réorientant les crédits existants. Après, on s'était plus concentré sur le crédit impôt recherche, qui pour nous illustrait parce qu'il a une charge scandaleuse. Après, il y a aussi une réalité pratique. Sur laquelle j'étais un peu revenu, c'est le fait d'être une communauté extrêmement désorganisée en termes de lutte. Autant ça doit être un objectif de lutte globale au niveau national qu'on peut porter maintenant qu'on a un outil, vu la situation concrète des précaires de l'ESR, y compris chez les enseignants et chercheurs précaires. On ne mobilise pas notre milieu à ce stade autour de ce mot d'ordre. C'est tellement irréaliste. Quand on porte ce mot d'ordre, évidemment que c'est le but, hein. Mais vraiment, pragmatiquement. Simplement, la revente question de déplacer tout cet argent mal utilisé de la poste pérenne, très très bonne évidemment, et partagée par tous, sauf par les bureaucrates, évidemment, faut que je gère ces institutions-là. Mais je pense qu'il faut la sortir d'une revendication de droit que vous auriez sur ces postes. Vous comprenez, c'est pas tout à fait la même chose. Et ça ne fera pas l'unanimité chez les titulaires. Hein. Mais ça peut aussi contribuer à galvaniser l'action. Je ne sais pas si je vais vraiment vous poser la question. D'abord, c'est très rafraîchissant d'entendre tout ce que vous dites. C'est extrêmement intéressant, surtout dans cette période où il y a des tentatives de convergence, en tout cas. Mais ma question porte un petit peu là-dessus, justement, mais auprès des intervenants, parce qu'il y a une présentation d'évolution historique, et également des mouvements, des tentatives de sortir de ces questions d'emploi temporaire, etc. Moi, je suis Pierre de Ronsard, je suis retraité de l'INRIA, donc je ne suis pas sociologue, je suis politicien, j'ai été chercheur en informatique fondamentale. Donc plutôt dans les sciences exactes et sciences politiques. Mais ceci dit, je m'intéresse à tout ce qui se passe et j'ai eu l'occasion aussi de faire partie d'une commission, qui a travaillé sur les risques psychosociaux dans la recherche et qui a produit un rapport. Et donc j'étais extrêmement sensible à ce qui a été dit sur l'état de santé de la population. J'ai aussi eu, d'abord parce que je suis à la retraite, le bénéfice d'un salaire à vie, tel que le défend réseau salarial, par exemple, actuel. Qui fonctionnait, elle fonctionnait en un salaire à vie, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on ne peut pas augmenter le nombre de fonctionnaires. Ça poserait quelques problèmes à certaines personnes. Et je fais également partie d'un groupe de recherche sur le travail, le thème du séminaire au sein de l'Institut de recherche de la FSI, de la FSU. Et évidemment, on voit bien que le travail est bien là. Vos préoccupations portent sur l'évolution. Et là, aujourd'hui, dans la période des quelques dernières décennies, depuis les années 60-70, sur la mise à mal du travail, la réorganisation au niveau mondial, et en particulier dans l'enseignement. Donc, en fait, ma question, elle porte sur les rapports entre les mouvements et les syndicats. C'est-à-dire qu'on voit bien, en faisant partie de la FSU, le syndicat peu actif, pas assez actif. Par contre, au sein de la FSU, on se pose énormément de questions sur comment, justement, sortir de l'atonie. Comment, il y a plein de plaintes, des conditions de santé, des conditions de travail, etc. Comment arriver à amplifier le mouvement. De l'autre côté, il y a des mouvements qui disent, oui, c'est des vieux, c'est des syndicats, des appareils, que ce soit au niveau politique ou syndical. Donc, voilà, je ne vais pas aller plus loin dans la question, mais comment on voit, est-ce qu'il y a des convergences possibles? Est-ce qu'il faut remplacer tous les syndicats? Ou est-ce qu'il y a des convergences possibles? Est-ce qu'il y a des syndicats fossiles, des partis fossiles? Enfin, j'exagère ma question, mais c'est pour faire un point. Merci. On a fait des signes pour vous mettre la séance, c'était fini. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se risquer? Vraiment en peu de temps? Très peu de temps. Est-ce que c'est trop de chine? Terminer en deux secondes sur une autre question. Enfin, Amélie l'a déjà signalé, mais en fait, le mouvement Aparien a aussi été habité par des doctorants syndiqués qui ont conçu qu'il y a un syndicat sud-éducation qui a été créé à Aparien il y a quelques années par des doctorants, qui a maintenant agrégé quelques personnels des bibliothèques autour de lui, mais qui est essentiellement mené par des doctorants, d'où la place aussi que sud-éducation avait en soutien du mouvement. Et je trouve que ça s'est plutôt bien passé cette année, en fait, dans la mobilisation. Je pense que les non-syndiqués n'ont pas que le syndicat essayait de prendre place pour orienter les choses, et vice versa, on s'est tous beaucoup nourri, je crois, les réseaux de différentes compétences justement qu'on avait à partager. Donc c'est possible et c'est ce que permet, je pense, de travailler tous ensemble. Merci beaucoup.